FrenchPod.com. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis voleur. Et toi ? Je suis policier. Mais non ! C'est une blague !